Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 40. De la guerre. Condition requise pour la licité de la guerre. Pourquoi elle est interdite aux clercs? Des embûches, est-il permis de combattre les jours de fête? 1. Est-ce toujours un péché de faire la guerre? Si la religion chrétienne, dit saint Augustin, condamnait absolument la guerre, elle conseillerait aux soldats de quitter les armes et de se dérober complètement au joug de la milice. Or voici uniquement ce que l'Évangile le recommande, n'usez de fraude envers personne, contentez-vous de votre solde. Ordonnez à des militaires de se contenter de leur solde, ce n'est pas leur défendre de combattre. Mais la guerre, pour être juste, exige plusieurs conditions. Il faut, en premier lieu, qu'elle soit déclarée par le chef auquel sont confiés les intérêts généraux de la cité, de la province ou du royaume. De même qu'il est permis au prince de frapper du glaive les malfaiteurs qui troublent le repos à l'intérieur, suivant cette parole de l'apôtre, ce n'est pas en vain que le prince porte le glaive. Il est le ministre de Dieu contre celui qui fait le mal, Romains 13, 4. De même il leur appartient de défendre l'État par le glaive de la guerre contre les ennemis du dehors. Aussi le psalmiste leur dit-il, délivrez le pauvre, arrachez l'indigent de la main du pécheur. Psaume 81, 4. Il faut, en second lieu, une cause juste, de telle sorte que ceux qui sont attaqués les méritent par quelque faute. Les guerres justes, dit saint Augustin, sont celles qui vengent les injures, par exemple, quand il s'agit de châtier une nation ou une ville qui a refusé de punir un crime commis par les siens, ou de rendre un bien injustement enlevé. La troisième condition, c'est la droiture d'intention dans les combattants, qui doivent se proposer ou de procurer un bien ou de repousser un mal. Les véritables serviteurs de Dieu, ajoute le même docteur, estiment justes et nécessaires les guerres qui sont faites, non par ambition ou par cruauté, mais par amour de la paix, pour réprimer les méchants et secourir les bons. On le voit, il peut arriver qu'une guerre déclarée par l'autorité légitime, et pour une cause juste, deviennent néanmoins illicites par la mauvaise intention des combattants. Aussi saint Augustin ajoutait-il, le désir de nuire, la vengeance cruelle, un cœur implacable, la férocité, l'ambition, et les autres excès semblables, sont choses justement condamnées dans la guerre. Note. On cite contre la guerre ces paroles du Sauveur, celui qui aura pris le glaive périra par le glaive, Matthieu 26, 52, et 16 autres encore, je vous dis de ne point résister aux méchants, Matthieu 5, 19. Saint Augustin répond, celui-là prend le glaive qui, sans ordre ni permission de l'autorité supérieure, fait usage du glaive, mais celui qui est armé par l'autorité des princes ou des juges pour défendre la justice, au nom de Dieu, reçoit le glaive plutôt qu'il ne le prend. Les princes eux-mêmes le reçoivent, lorsqu'ils soutiennent une cause juste, par l'autorité de Dieu. L'ordre de ne point résister aux méchants s'applique à la disposition intérieure pour le cas où la résistance n'est point utile. Mais le bien public, et souvent le bien des méchants eux-mêmes, demande parfois qu'il en soit autrement. Ôter à un ennemi le pouvoir de faire le mal, a dit saint Augustin, c'est le vaincre pour son bien. La félicité des pécheurs est ce qu'il y a pour eux de plus funeste, elle nourrit dans leur cœur l'impunité, et leur volonté, comme un ennemi domestique s'affermit dans le mal de plus en plus. Fin de la note. 2. Est-il permis aux clercs et aux évêques de faire la guerre? Le Seigneur a dit à Pierre, remettez votre épée dans le fourreau. Matthieu 26, 52. Cette parole s'applique aux évêques et aux clercs. Les exercices de la guerre sont incompatibles avec les devoirs des évêques et du clergé. D'abord, pour une raison générale, ils entraînent des sollicitudes qui empêchent l'esprit de méditer les vérités divines, de louer Dieu et de prier pour le peuple. Que, celui qui est enrôlé dans la milice du Seigneur, dit saint Paul, ne s'embarrasse point dans les affaires du siècle. 2 Timothée 2, 4. Ensuite, pour une raison spéciale, tous les ordres sacrés se rapportent au sacrifice de l'autel, où la passion du Christ est représentée sacramentellement, suivant cette parole, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. Il n'est pas convenable que le ministre d'un tel sacrifice répande le sang, il doit être bien plutôt disposé à verser le sien, à l'exemple de son divin maître. Les armes de notre milice, dit encore saint Paul, ne sont point des armes charnelles, elles ont toute leur puissance en Dieu. 2 Corinthiens 10, 4. Ces considérations ont déterminé l'Église à établir que les clercs qui répandent le sang, même sans péché, tombent dans l'irrégularité. Aucun homme, chargé d'un ministère, ne saurait faire licitement ce qui le rend inhabile à le remplir. Note. Quoi qu'il ne soit point permis aux clercs de faire la guerre, ils peuvent y assister pour porter les secours spirituels aux combattants. Ils peuvent même exhorter ceux-ci et les disposer à soutenir une guerre juste, car, s'il ne leur est pas permis d'y prendre part, ce n'est pas parce que la guerre est un péché, c'est que les exercices qu'elle exige ne conviennent point à leur état. Fin de la note. 3. Est-il permis de dresser des embûches pendant la guerre? Dans une guerre légitime, répondait saint Augustin, il n'importe point à la justice que l'on combatte ouvertement ou en dressant des embûches, il le prouve par l'autorité de Dieu même, qui ordonna à Josué de tendre des embûches aux habitants de la ville de Haï. Josué 8. Les embûches ont pour but de tromper l'ennemi. On trompe les hommes de deux manières, en premier lieu, quand on dit des faussetés ou que l'on manque à sa promesse, ce qui n'est jamais permis, même à la guerre, car il y a des droits et des conventions que l'on doit observer entre ennemis. En second lieu, on trompe les hommes en ne leur découvrant pas ses projets et ses pensées. La discrétion étant une des règles élémentaires de l'art militaire, on doit se garder de faire connaître aux ennemis les plans que l'on médite contre eux, et, dès lors, les embûches, qui consistent essentiellement dans des desseins secrets, sont permises dans une guerre juste. De telles embûches, qui ne répugnent ni à la justice ni à la droiture des intentions, ne sont pas proprement des fraudes. Ce serait être déraisonnable que de vouloir connaître tous les secrets d'autrui. 4. Est-il permis de combattre les jours de fête? Il est écrit au sujet des Maccabées, ils prirent alors une louable résolution, disant, qui que ce soit qui nous attaquera le jour du sabbat, combattons contre lui. 1 Maccabées 2, 41. L'observation des jours de fête n'interdit pas ce qui est nécessaire au salut corporel de l'homme. Le Seigneur ne disait-il pas aux Juifs, « Vous avez tort de vous indigner contre moi, parce que j'ai guéri un homme le jour du sabbat » Jean 7, 23. Les médecins peuvent traiter les malades un jour de fête, À plus forte raison est-il permis de sauver l'État, car, en le sauvant, on empêche la mort de plusieurs, et l'on prévient une foule de maux temporels et spirituels. Il est donc permis, si la nécessité l'exige, de livrer combat les jours de fête. Ce serait tenter Dieu que de vouloir, sous l'empire de la nécessité, s'abstenir de combattre. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.